passe maintenant, c'est on a juste une petite séance audio de notre ami rancieriste de Rio de Janeiro, Pedro Husak, à qui on a demandé de faire une petite intervention dans les champs sur la liaison entre philosophie et jardinage, vu que lui enseigne philosophie dans l'université rurale de Rio de Janeiro. Et il a répondu avec ça, ce que vous allez entendre, et on a quelques images à distribuer qui vont avec. Voilà. L'exposition aura une image para le discuter, montée dans la bibliothèque centrale de l'Université fédérale rurale de Rio de Janeiro entre 16 et 19 octobre 2018. A été organisée par l'artiste, chercheuse et enseignante Laetitia Pomar et des étudiants du cours d'histoire de l'université, Alex Correa, Paula Margarida de Luna, Rodrigo Mendes, Sidney Silva, Camille Jaca e Priscila Marcondes. Il s'agit d'une synthèse entre deux travaux complémentaires. D'une part, la recherche dans les archives situées au centre de mémoire de l'université. D'autre part, le travail photographique des étudiants qui, désintéressés par des images clichés qui composent l'imaginaire de l'université, cherchent à opérer dans les fissures ouvertes par les dynamiques et les questions vécues dans le campus. Il s'agit de quatre axes thématiques, contradiction, lutte, chemin et construction, qui expriment très particulièrement les regards de ceux qui connaissent les subtilités, les coins, les aspects moins visibles de la vie universitaire. L'axe chemin porte sur les déviations faites pour réduire les distances entre les bâtiments. Ces détours contournent les plans urbanistiques avec des sentiers sinueux à travers lesquels les élèves, le personnel, les enseignants se déplacent à pied. Dans une montage, on peut voir la jonction d'une photo de raccourci avec une photo d'une fête de remise de diplôme. En arrière-plan, le bâtiment central, le grand cliché de l'image de l'université, considéré comme l'une des plus belles du Brésil. Conçu à la fin des années 30, le projet du campus coïncide avec l'émergence du projet brésilien moderne dirigé par l'architecte Lúcio Costa. Alors que Costa invite l'architecte français-suisse Le Corbusier à présenter ses concepts modernistes pour le pays, l'architecte Angelo Murgel conçoit les trois pavillons principaux de l'université en langue néocoloniale, comme l'exigeait le gouvernement de l'époque. C'est dans ce désaccord temporel que l'on peut faire un parallèle avec les actions de Laetitia avec ses élèves. En choisissant des ornements démodés dans leurs pavillons principaux, au détriment de nouveaux styles qui ont émergé, l'architecture de l'université rurale a été considérée comme dépassée parce qu'elle s'alignait sur une vision réactionnaire qui reflétait l'image de l'oligarchie rurale de l'époque. Cependant, déterminer une temporalité liée au passé peut-être est trop simpliste pour expliquer la complexité qui entourait l'ensemble de l'architecture et de l'urbanisme de l'université. Bien que ces bâtiments principaux affichent une image passadiste, les parties organisées par Angelo Murgel a été influencée par l'architecture organique préconisée par Frank Lloyd Wright. En réponse aux contraintes locales, il n'était pas logique d'imiter le modernisme européen, mais de proposer des multiples approches et solutions. En d'autres termes, dans la conception de l'architecte brésilien, le modernisme doit s'adapter aux besoins locaux, en tenant compte des différents facteurs, qu'ils soient climatiques, politiques ou économiques. Par conséquent, dans le cas de l'université rurale, il y a l'équation suivante. Un parti moderne confronté à l'image qui tend à effacer les hypothèses modernistes. Ainsi, on voit émerger une temporalité hétérogène pour expliquer ce projet. La dimension du passé, qui suggère le langage néocolonial, se confond avec la vision du futur contenue dans la dimension urbaine du campus. Temporalité qui est donc suspendue entre le passé et le futur. Anachronisme qui nous donne la clé de lecture pour les montages exposés ici. Récemment, l'anachronisme a été défendu pour sa dimension positive dans les études d'histoire de l'art par Georges de Dubermann, en mettant en relation différentes époques et cultures, il libère l'image pour qu'elle ne nous cache rien. Sa propre ouverture nous pose devant la constellation de temporalité qui constitue notre propre temps. Un assemblage symétrique est choisi entre les images dans lesquelles des pistes entrecoupées sont créées entre l'ancienne et la nouvelle photo, produisant ici une confusion intentionnelle dans la perception de la relation figure-arrière-plan. Une photo n'est pas l'arrière-plan de l'autre, mais se présente dans une tension non résolue entre les pôles du passé et du présent. Cette tension est particulièrement présente dans l'axe construction, dans lequel des photos récupérées de la construction de l'université apparaissent avec des photos récentes. Il est à noter que, à l'exception des photos prises par des enseignants et de quelques photos prises sur des réseaux sociaux, les photos ont été prises par des étudiants de l'université, c'est-à-dire ceux qui, marchant pour leur raccourci, vivent la vie quotidienne du campus au détriment de l'image imposante de son architecture. Par conséquent, au lieu du cliché de l'image, ils produisent des images qui cherchent à ouvrir des problèmes qui les affligent dans la vie universitaire. D'où un acte dédié aux contradictions qui ne sont pas rares, comme par exemple la contradiction entre la lutte du mouvement féministe pour plus de sécurité dans les campus et la beauté du paysage universitaire. L'axe lutte, à son tour, relie les revendications du passé à celles du présent, montrant que la défense de l'université publique dans le passé continue de se répercuter et d'inspirer tous ceux qui continuent aujourd'hui à se mobiliser pour une université démocratique et inclusive. Cette exposition, dans son ensemble, révèle la capacité des images à dépasser la dimension du cliché et à proposer une réflexion critique sur l'université rurale. Il s'agit des images qui révèlent leur force politique en donnant de la visibilité aux enjeux concernant l'université. L'exposition Rural en images, par além dos clichés,